Narcos. Je descends pas du singe, mais du A45. A45. Et le bras est long comme la première urbaine du zinc. Je descends pas du singe, mais du A45. L'argent ne fait pas le bonheur, mais en avoir, ça reste quand même plus simple. C'est vrai ou pas? Deux gants en croco, cache les mains d'un sauvage. Sauvage. Capuche dans l'auto, très sombre personnage. Deux gants en croco, cache les mains d'un sauvage. Capuche dans l'auto, très sombre personnage. C'est pas avec une pute que tu vas m'empâter pour me faire. C'est pas n'importe quelle cruche avec un U qui a les compétences pour me plaire. J'ai 2-3 contacts sûrs pour le jour où j'aurai besoin de me refaire. J'ai 2-3 contacts sûrs pour le jour où j'aurai besoin de mener une guerre. C'est le dernier dose dans la voiture ouvreuse. Rajoute une pièce car la qualité est coûteuse. Tu te questionnes sur qui sont ces bêtes fougueuses. Nous on se questionne sur ta sexualité douteuse. Me parle pas, je suis dans ma triste, man. Te prononce pas sur ce que tu maîtrises pas. C'est que j'ai pas assez charbonné. S'il me reste la place dans mon coffre pour les quichetas. Chassé, gibier, nourrir, mifa. Rien à prendre les jouets à FIFA. Je descends pas du singe, mais du A45. Et le bras est long comme la première urbaine du zinc. Je descends pas du singe, je veux du A45. L'argent ne fait pas le bonheur, mais en avoir, ça reste quand même plus simple. C'est vrai ou pas? Deux gants en croco, cache les mains d'un sauvage. Capuche dans l'auto, très sombre personnage. Deux gants en croco, cache les mains d'un sauvage. Capuche dans l'auto, très sombre personnage. Je suis dans la boutique, choisis mes articles en faisant am gram gram. Suivant l'exemple des barons de la cam, on s'est construit gramme par gramme. Est-ce qu'au hasard on se connaît? Dis-moi. Je sais pas, tu m'as toisé quand je venais. Perso, j'ai un peu de mal à te remettre. Hein? A ton emblème de go ou de monnaie? Nouvelle gestu, nouvelle texte. On les cherche même plus à sauver le bang. Texte rue pour faire bouger la terre. Je change mes victoires, mais j'assume mes déboires. Je rappelle jamais, j'allais pour char sur du Poulon Boy et du rime et gloire. Je vais dans la mélo, dans le médicinal. Faut 5-6-0 après la décimale. Je relaisse au hello, y'a que ça qui m'aille. Faut que la race humaine vive le règne animal. Hey. Il faudrait que je me fasse opérer du cœur. Que je songe à arrêter de rapper cette pute de rue, c'est réducteur. Je descends pas du singe, je mets du A45. A45. Et le bras est long comme la première urbaine du zinc. Je descends pas du singe, je mets du A45. L'argent je fais pas le bonheur, mais en avoir, ça reste quand même plus simple. C'est vrai ou pas? Deux gants en croco, cache les mains d'un sauvage. Capuche dans l'auto, très sombre personnage. Deux gants en croco, cache les mains d'un sauvage. Capuche dans l'auto, très sombre personnage.